à présent nous rêver, rêvons nous réalité. Pieds bois qu'à embaumer, parce que content c'est vous qui l'a. Tout seul moi te vle mener, la joie dit moi carité. Pour moi te faire découvrir, en qui genre la vie peut s'y créer.